Biblioteca. Écoutez. Tu en as pour longtemps? Je ne sais pas exactement. J'aimerais consulter les derniers ouvrages sur la Révolution d'octobre. Pourquoi ne vas-tu pas à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu? C'est tout près de chez toi. Parce qu'il faudrait que je demande une autorisation spéciale. Et puis, au centre Pompidou, il y a un équipement ultramoderne. Ah bon? Mademoiselle Manson, professeure d'histoire, a demandé à voir des documents sur la Révolution d'octobre en Russie. Elle est en train de choisir des diapositives qu'elle voudrait utiliser pour ses élèves. Tu vois, je pense que tout ça va intéresser mes élèves. Ils suivent toujours mieux quand on les fait réfléchir sur des documents. C'est assez normal. Je pourrais peut-être organiser une sortie et je les emmènerai voir ce documentaire télévisé. Tu avais raison. Ici, on trouve vraiment une documentation extraordinaire. Répétez. Tu en as pour longtemps? Je ne sais pas exactement. J'aimerais consulter les derniers ouvrages sur la Révolution d'octobre. Pourquoi ne vas-tu pas à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu? C'est tout près de chez toi. Parce qu'il faudrait que je demande une autorisation spéciale. Et puis, au centre Pompidou, il y a un équipement ultramoderne. Ah bon? Mademoiselle Manson, professeure d'histoire, a demandé à voir des documents sur la Révolution d'octobre en Russie. Elle est en train de choisir des diapositives qu'elle voudrait utiliser pour ses élèves. Tu vois, je pense que tout ça va intéresser mes élèves. Ils suivent toujours mieux quand on les fait réfléchir sur des documents. C'est assez normal. Je pourrais peut-être organiser une sortie. Et je les emmènerai voir ce documentaire télévisé. Tu avais raison. Ici, on trouve vraiment une documentation extraordinaire.